suis pas remis. D'une basse sauce tu peux t'en remettre, mais la deuxième peut t'enlever ta vie. Je suis à des kilomètres et je m'en fous de ton avis. Donc qu'est-ce que tu viens te mêler de ma vie, gros? Tu sais très bien qui je suis. Complètement bourré, j'en remets. De la vie, je m'en suis pas remis. D'une basse sauce tu peux t'en remettre, mais la deuxième peut t'enlever ta vie. Je suis à des kilomètres et je m'en fous de ton avis. Donc qu'est-ce que tu viens te mêler de ma vie, gros? Tu sais très bien qui je suis. Radio Sud. Radio Sud. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Yeah, la 25e, on est là. Remember all we did. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao. Jounès, 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. Ok, ok, la 25e, on est là. On prend possession des ondes ce soir avec le poteau. J'allais dire Younsbit. Avec le poteau Waybi qui est là. Ça va ou quoi? Ça va, et toi? Tranquille, tranquille. C'est bon, t'es bien installé. Oh, moi, tout est bon, tout est bon. Ok, c'est bon. Correct, correct. On est là avec Waybi ce soir pour l'émission spéciale du 21 novembre. Jounès arrive à 22h06. Parfait. Waouh. Waouh. Il lâche des cris directement. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Ah, c'est Jounès. La lumière. La lumière. La cité. La cité. Voilà. C'est notre ami Jounès. Comme d'habitude. Ah, Jounès direct. Comme ouais, tous les jeudis, hein, toujours présent, Jounès, pour l'émission, ouais, ça fait plaisir. Wave, ouais, ok. Bon bah du coup, je vais refaire un lancement parce que il vient de foirer le lancement, donc c'est reparti. Je rebalance le jingle et puis on est reparti. Radio, la 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio-sud.net 101.8. La 25e, 22h07, vous êtes bien sur Radio Sud, radiosud.net, 101.8, 43 rue d'Arène, à Besançon, pour ceux qui savent. Wesh. Pourquoi tu cries comme ça? Je sais pas, on est là, la cité. Ok, merci pour cette intervention, t'es génial. Donc, je voulais m'excuser pour la semaine dernière, c'était la chronique de Jojo qui devait être là, mais ça a été compliqué, donc bon, salut, au final... Au final, on n'a pas fait d'émission. Hey, t'as ma veste, on a préparé l'émission de soir. Bon, j'ai coupé ton micro parce que t'es énervant. Ce soir, c'est une émission spéciale invité. Donc, l'invité de ce soir, c'est Waybi. Donc, Waybi, ça s'écrit W-A-I-B-2-E. C'est un jeune beatmaker. Donc, il va tranquille. Hein, on arrive tranquille. Après, il va se présenter. Jeune. T'as quel âge, Waybi? Bah, là, j'ai 17 ans, mais dans deux jours, 18. Oh yeah. Okay. Yeah. La majorité, hein. Ok. Hey, les meufs, venez. Merci. Non. Ok, d'accord. Ok, donc tu diras pas trop n'importe quoi. Soir Jounès, il est encore mineur, du coup. Tu fais attention. Pas de dinguerie, tout ça. Ok. Alors, Waybi, côté réseau, je vais faire un petit récap de tous tes réseaux pour ceux qui veulent te suivre là dès maintenant, dès ce soir. Tu me dis si je me trompe. Donc, tu as un Instagram. Ton Insta, c'est Waybi aka Younsbeats. Alors, W-A-I-B-2-E aka AKA. Youns, Younes, B-E-A-T-Z. C'est ça. Si jamais vous n'arrivez pas à retrouver, vous allez sur l'émission La 25e, vous verrez, c'est dans la story. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous en masse. Direct. Le Facebook, c'est Waybi. W-A-I-B-2-E, a.k.a. Younsbeats. Donc c'est pareil, ouais, c'est avec quelques espaces par-ci par-là. J'ai vu que tu étais présent sur Kicker. Ouais. Alors c'est quoi ton blast sur Kicker? C'est pareil. Hein, c'est pareil. C'est Younsbeats. Hein. Ok, c'est nickel. Et depuis peu, j'ai vu que tu avais fait une chaîne YouTube. Ouais. Donc pareil, YB aka Younes Beats officiel. Voilà, hey, c'est il est ça. Bien ton ordi, hein. De quoi? Ah, on m'entend là? Ouais, on t'entend. Okay, c'est bon. Non, mais c'est bon, je faisais juste un test. Ok, très bien. Donc voilà pour les réseaux, principalement Instagram. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Et surtout la chaîne YouTube. La cité. La chaîne YouTube, là, il y a des prods qui sont sur la chaîne. On en parlera un petit peu plus tard. Tranquillement. Petit défi du soir. Ce soir, pendant l'émission, donc pour ceux qui sont en ligne là directement avec nous, YB il est venu avec son petit matériel, tout ça pour nous faire une prod. Donc on va dire pendant 1 heure ou 2 heures. On te donne combien de temps? Une heure, c'est bien une heure. Une heure. Parce qu'après, c'est un peu chaud, mais je vais essayer. J'aime bien le challenge. Au moins une boucle. Au moins une boucle en une heure quand même. Le micro, il marche là ou pas? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui nous dit que il va pas sortir des trucs prêts, hein? Ah gros, t'as le PC à côté de toi, hein, regarde. Hein, ah le... bah tu peux surveiller, hein. non, vous avez pas compris ma question. Qu'est-ce qui me dit que t'as pas déjà... Parce que moi, si tu veux, je te dis là, je t'écris un 16 là, tout de suite là. Alors que c'est un truc qui est déjà prêt. Et je fais semblant, attends. Ah, tu veux dire que ce serait pas exclusif, quoi? Peut-être. Hein. Juste une question. Je dis ça, je ne dis rien, je me tais. Je fais comme tu peux regarder. Non, on va regarder. Ok, tu peux filmer en scred et tout, tu vois, pendant l'émission. Hein? Projet vierge direct. Tu vas voir. Ok, donc le défi de ce soir, pendant une heure, YB, il va répondre des questions. Et en même temps, il va nous faire une petite prod. Donc je t'ai prévu des questions, principalement, là on a parlé de tes réseaux, tu vas te présenter. Peut-être un peu nous parler de le processus créatif pour une prod, les collabs, la Horror Beat Tape, les futurs projets, tout ça. C'est qui Horror? Ah c'est, tu verras, hein, il t'expliquera qui c'est. et j'ai vu que tu m'avais fait une petite playlist aussi, donc ouais. J'en profiterai un peu entre chaque rubrique pour balancer 2 sons de ta rubrique, donc j'ai déjà un peu tout calé, tu me diras si t'es d'accord. Ça marche. C'est bon pour toi? C'est bon, moi je suis ok. Yes. Donc il est 22h12, on est toujours sur Radio Sud 101.8, sur la bande FM, radiosud.net, on est à Besançon, comme d'hab. Il y a déjà du monde qui est devant, déjà du monde qui est dans la première salle, parce que en deuxième heure à partir de 23h, session freestyle sur les prods de YB. Donc n'hésitez pas à venir, je sais que j'ai déjà reçu pas mal de messages pour ce soir, donc normalement il devrait y avoir du monde. C'est cool ça. Yes. Alors, dans ta playlist, je voulais commencer par Théo2S. Et le son c'était Vai. Et enchaîné avec Charlie Shark. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que je balance les sons et on en parle après? Ou est-ce que tu veux en parler avant? C'est toi qui choisis. T'en penses quoi, ça? N'hésite pas à te rapprocher du micro, Sam, ouais, parce que sinon on t'entend pas. Ah comme tu veux, gros. Hein. Ah, moi, je sais pas, hein, c'est... Ah, écoute, ce qu'on va faire... Ça fait au feeling, hein. Voilà, ce qu'on va faire, je vais balancer le son, tranquille, comme ça tu te mets dans l'ambiance, et puis après c'est parti, quoi. C'est bon pour toi? Non. Ah, c'est bon pour moi. Yes. La 25e, on est là, les gars, jusqu'à minuit, comme tous les jeudis. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jules. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Vai, let me see your lights. Move up your waist and turn off these lights. Vai, get away tonight. Move up, I'm on fleek way too high. Vai, let me see your lights. Move up your waist and turn off these lights. Vai, get away tonight. Move up, and please be crazy tonight. 1, 2, 3.

Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. On est toujours là dans la 25ème, l'émission spéciale YB. Désolé, j'étais actuellement dehors avec une bande de sauvageons nocturnes. Donc c'était les deux sons que j'ai passés. C'était Théo2S, Vai, et le son de Charlie Shark. Donc est-ce que tu peux me parler un peu des morceaux? Donc c'est toi qui as composé la musique principalement. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de tout ça? Disons que ça n'a pas été simple parce que c'était pas forcément dans le style que je préférais personnellement. Mm-hmm. Mais je voyais ça un peu comme un défi et j'ai vraiment essayé. Théo2S, il m'avait contacté, tout ça. Et moi, j'ai essayé de faire vraiment ce que j'ai pu. J'ai testé. Parfois, il y a certaines prods, j'ai recommencé pas mal de fois et jusqu'à avoir vraiment ce que je voulais, tu vois. Ok. Et la connexion avec Théo2S, Charlie, tout ça, toi, t'as fait tout le projet ou t'as fait que 2-3 prods? T'as fait quoi exactement? Sur les 5 prods de Heatwave, j'ai fait 4 prods, donc dont Play, ouais. Vai, okay. Shark et Manana. Ok, yes. Écoute, on va passer un peu aux présentations. Toi, tu fais ça depuis quand? Depuis longtemps? T'es nouveau? On va dire que sérieusement, ça fait à peu près 2 ans, tu dirais environ. Ouais, à peu près 2 ans, sinon j'étais intéressé il y a un moment de ça, vraiment c'était en 2015. Ok. Quand j'ai commencé à être intéressé, donc à l'époque où Sam gérait un petit peu Infinity Music, donc sa bande. Yes. Et dès que j'ai vu Resco composer la première fois, j'étais jeune, hein, j'avais 14 ans, tout ça. Ok. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop... c'était incroyable pour moi. Je trouvais ça kiffant. Et puis, je me suis dit, tu sais quoi, faut me lancer dans le truc. Pourquoi pas essayer, quoi. Donc, j'ai patienté avant d'avoir le matériel, tout ça. Enfin, quoique, j'ai commencé par portable avec une application, mais c'était... C'était quoi? C'était sur quoi? C'était Caustic 3, le nom de l'application, mais laisse tomber. C'était... Vas-y. C'est pas comme FL Studio ou Cubase. Ouais, c'était la bricole, quoi. Ouais, voilà. C'est bien. Mais du coup, t'es autodidacte, t'as tout appris tout seul ou... Ben, j'ai vraiment appris tout seul, dans le sens où c'était beaucoup de l'observation d'abord, okay. Donc, grâce à Resco qui composait devant moi et tout. Okay. Et après, ouais, des fois, c'était via les vidéos YouTube, de temps en temps, je regardais pour avoir quelques petites astuces. Et sinon, ouais, c'était aussi, j'analysais les sons qui passaient à l'époque et j'essayais de faire quelque chose, quoi. Tu tapais sur YouTube comment faire une prod? Non, enfin... Tuto, faire une prod. Faire une prod qui tue. Tuto. Et type, par exemple, je sais pas, type Booba à l'époque, il y avait et tout. Et puis, je regardais comment on faisait. Enfin, j'essayais vraiment, c'était plus pour avoir les techniques. Ok. Pas forcément pour avoir l'esprit du morceau, voilà. Les effets, les trucs comme ça, surtout. Ouais. Vraiment des petits trucs qui rendent mieux la prod, tu vois. Et de base, t'es musicien? Tu fais, je sais pas, tu touches, parce que je vois que t'as le clavier et tout ça. Et non, pas du tout. De base, moi, je suis pas vraiment musicien, même si j'ai fait un an de solfège, un an de piano quand j'étais en 3e. Ok. Et donc c'était à l'époque où j'avais découvert, quand j'avais vu Resco composer, quand j'ai vu le groupe Infinity Music. On en parle après de Infinity Music. Hein. Ça marche. Nous dis pas trop de trucs quand même. Okay. Ok, donc en fait t'as fait en regardant, quoi. Enfin, ouais, après t'as regardé, ça m'a... après t'as mis en pratique, quoi. Voilà, le conservatoire m'avait pas trop plu et je me suis dit c'est bien de prendre certaines choses, enfin d'apprendre certaines choses, mais concrètement moi ça m'a pas servi, mais voilà, quoi. Mais là, vous êtes entre deux boucles du conservatoire, là. Celui-ci, il a fait le conservatoire à l'époque. Ah, tu joues quoi comme instrument? Moi, c'était piano. J'adore le piano, c'est un truc de fou. Tu vois. Ah, mais donc, t'as quand même des bases. Tu vois, t'es pas arrivé en mode... Il a dit, il a fait un peu de solfège et tout. Il a dit. Non, il a dit, de base, je suis pas musicien. Ouais. Pour corriger, en fait, il a... Tu fais la bagarre, toi. Tu vas perdre, quoi, tu connais. Mais non, quand il a commencé, en fait, au début, il observait. Ouais. Puis après, il s'est dit, pour que j'ai une meilleure base... technique, il faut que j'apprenne un peu à faire du piano, tu vois, au clavier. Il y a eu observation, observatoire et pratique. Et du coup, ouais, après, il s'est dit, il faut que j'essaye un petit peu de solfège pour m'améliorer, en fait. Vas-y. C'est en complément. C'est ça. Ok. Donc, pour ceux qui sont derrière leur poste autour de la table... Des postes 3, ça existe encore, des postes 3? Ouais, derrière leur poste cassette, derrière leur ghetto blaster. Ah, malade. Autour de la table, il y a aussi Sam, Donc Sam, par rapport à YB, qui es-tu, que fais-tu, quel est ton rôle? C'est le Thénardier. Ah, tu connais. Donc moi, Sam, je suis le grand frère de Younes. Yes. Et donc, maintenant on peut dire que je gère un petit peu en tant que pseudo-manager, tu vois, je suis un peu autour de lui, j'essaye de le booster pour le mieux. Pourquoi pseudo? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de contrat, gros, pas des gros trucs, tu vois. Mais un jour, pourquoi pas? Ok. Mais du coup, en fait, moi, je faisais du son avec les potos, tu vois, donc, on t'avait invité sur le morceau Je suis ghetto avec Zana à l'époque, quand on le produisait. Et donc, avec Resco et DJ Rick, les deux beatmakers et tout. Ok. Younes, il venait avec nous au studio deux, trois fois. Il dit, Alika, faut que j'apprenne. Donc, au début, on lui a dit, vas-y, regarde le PC, tout, comment on place les pistes, tout ça, compose. Il a kiffé le délire. Hein. Il a kiffé le délire et après, comme on a dit, il s'est mis au solfège pour apprendre le piano. Il n'a pas fait longtemps, mais ça lui a suffi pour avoir les bases nécessaires pour composer. Puis aujourd'hui, il fait son truc de son côté. Il a appris, il a beaucoup développé en tant qu'autodidacte. Et puis voilà, ça s'est fait. Okay. Et les tutos sur YouTube. Ça aide. Hein. Et les tutos. J'ai regardé sur ton Insta. Sur ton Insta, j'ai vu que t'as mis que t'étais de Belfort et maintenant t'es dans le 95. Ouais, Qu'est-ce que t'es allé faire là-bas? Ah, ça c'est pour vraiment les études, tout ça. Donc je me suis installé dans le 95. Vraiment pour les études parce que je suis à l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, pour faire des études de mixage, etc. Merci, pardon. Ok. Vraiment, c'était pour ça et ouais. C'est une grosse école hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est une grosse école. Hein. Et disons que ouais, c'est un peu le seul coin que j'ai trouvé pour avoir un appartement, parce que j'avoue que c'était un peu chaud et puis voilà. Hein. Ils pouvaient pas te prendre à Miami ou un bail comme ça, wesh. Tu es dans la bulle, gros. Ok. Pas les moyens. Hein. Et ça se passe bien, tu fais ça depuis quand là? Là, ça doit être depuis septembre. Septembre? Environ. Okay. Pas tout à fait, pas c'est début rentré, septembre, quoi. C'est vraiment fin septembre vu que je suis en alternance en fait. Ok. Et alternance à Radio France, donc j'ai commencé directement par entreprise le 26 août et j'alterne un mois quoi. Ok. Eh ben je te souhaite la réussite au bout, hein, puis tout ce qui va avec. Hein. Revenons au beatmaking. As-tu des références? As-tu des beatmakers références? La question en fait est un peu dure pour moi parce que souvent je fais pas très attention aux beatmakers, mais par exemple j'aime bien les délires à la Marshmello, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça c'est des bonbons ça. Ouais, c'est ce qui se met autour du feu là, les Marshmello. Non, tu t'inspires de la sonorité. C'est un DJ électro à la base, c'est un petit peu dans le rap. Marshmello. Ouais, il avait fait un son avec Migos. Notamment ouais, avec Migos. Avec Lil Peep aussi. Et j'ai beaucoup aimé les sonorités quoi. Je me suis inspiré de ça. Après en français, je sais pas trop, j'ai pas de nom exact. Scalp. Je dirais ouais, il y a qui en ce moment? Ancienne Scalp. Il y a les tu vois, il y a qui un peu en vogue, il y a DJ Core en France. Sizi aussi les shows. DJ Core, il est là depuis qu'on est né, frère. Il y a Icaz Boy. Ouais, mais il revient fort là. Ouais, Icaz Boy, ouais, j'ai vu, il revient. Il y a Sizi. Sizi ouais, il est chaud. Je kiffe Sizi. En France, t'as quelqu'un ou pas vraiment? Après, moi, ma référence première, c'est Resco. Hein. Première référence, c'est le mentor. Ok, donc Resco, c'est qui exactement? Peux-tu nous présenter Resco? Resco, c'est le beatmaker d'Affinity Music. Ok. Et disons que ouais, je suis un peu la relève, je suis son élève. Et moi, j'ai vraiment appris beaucoup de lui. J'ai réécouté ses prods et j'essaie de reprendre certaines choses et tout. Enfin. Voilà quoi. Yes. Big up à Resco. Je sais pas s'il nous écoute, mais. Ah, il va écouter. Là, en direct, je crois pas, mais il a dit qu'il va écouter le podcast. Big up à Resco. Tu nous as pondu un bon petit Pokémon. Là. Il est en train d'évoluer fort. Là. Il en fait encore des prods, Resco? Ça, je sais pas. Sam, j'en ai reçu deux. Là, honnêtement, yes, ouais. Il me les a envoyés aussi. Ouais. Et disons qu'en fait, il compose, mais il a plus trop le temps non plus de s'y consacrer à fond. Tu vois, il est marié, il a un petit. Il y a un an, il travaille beaucoup, tu vois, donc le tout cumulé, vie de famille, vie professionnelle, tu vois, ça fait qu'il a plus trop le temps pour la musique. Voilà. Mais il essaye. Casse pas la table. Après, il est surtout là, disons, aujourd'hui, en tant qu'observateur, tu vois, il est vraiment là pour donner ses conseils au mieux à Younes. À qui? Younes. Ah, waouh. Ouais, parce qu'il s'appelle Younes. Non, pas Younes. Ouais, mais je me suis dit, wesh, maintenant. Toi aussi. Non, mais toi, tu te démerdes. Wesh, maintenant. Ce serait bien que tu écoutes les conseils, toi aussi, Younes. C'est dur, celui-là. Okay. Avant de balancer deux autres sons, est-ce que. Là, si je te dis réponse au tac au tac, décris-toi en trois mots. Ce serait quoi, là ? Comme ça. Ouais. Ah, moi, désolé. Le premier mot, pour moi, YB, c'est vraiment aléatoire. Ok. Persévérance. Ouais. Et analyse. Ok. Ah bah. Analyse. Je sais pas s'il y a une émission philosophie à Radio Sud. On l'appelle l'œil. Bellec, je te place bientôt aussi. On l'appelle l'œil. Moi j'aurais dit cuisine, tu vois, parce que la dernière fois qu'on s'est croisé. Ah non, on commence pas avec, pas avec ce genre de vaille, arrête. Moi j'aurais dit jardinage. Moi, jardinage, toi. Bon, ouais. Vas-y, on va en parler. C'est pas mal. Le mec dans un jardin, il a sorti son clavier, son. L'enceinte, le PC. Son enceinte, tout. Il avait tout dans son sac. Il a fait j'ai une vidéo. Bah, elle est d'ailleurs sur les réseaux sociaux, hein, sur Insta. Exact. Donc je rappelle d'ailleurs le Insta, YB aka Younes Beats. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que je baragouine, vous allez sur émission la 25e, vous allez dans notre story et vous comprendrez. Comment t'écris émission la 25e ? Émission, comme une émission. Ouais. La 25e, tout attaché. Vas-y, je vais voir. Voilà. Tu vas voir dans la story et tu verras le tag de notre ami YB. Ok. Je continue dans la playlist. Dans la playlist, tu m'as mis du Mirsa, Ego Trap. Tu m'as mis du Napalm, Freestyle Face. Donc je balance ça. Et puis après, pareil, hein, si tu veux faire un petit retour sur les sons, n'hésite pas. C'est bon pour toi ? Ouais, c'est bon. Yes, la 25e, bah, Radio Sud. Oh, pardon. Ouais, je fais ce que je veux. Balance le son, là, parce qu'il a envie de finir sa prod. Là. Depuis tout à l'heure, on le dérange, en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est toi, hein, tu voulais te mettre un défi. Ah, et tu réponds aux questions, tu fais ton instru. Ah, bah ouais, c'est tranquille. Hein. Depuis tout à l'heure, vous me dérangez pas. C'est un boom bap, fais juste un beat. Fais pouf, tcha, pouf, tcha. C'est bon. Aléatoire, analyse, persévérance. T'inquiète. Radio Sud, la 25e, Besançon, on est au 43 rue d'Arène pour ceux qui veulent passer. 101.8, on est là tous les jeudis soirs depuis février. Yes. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Younes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Wouhou. J'écris des textes trop chers dans mes rêves, j'gravis les vrais, j'parcours le désert sous le soleil. Effrite le père dès le réveil, j'ai l'air frère à vie, les créera pour le bénéf, pour l'oseille. Roulons ton cas de sang au compteur, dans 10 ans les MC auront besoin de prompteurs. Chacun son beurre addict au jus de bagarre, mets les poings sur la table, faut du cash pour qu'on se. Mais tiens, non pas à moitié, fous le gawa en studio ou en concert. Eh, toi tu te fais exploiter, moi j'trouve pas ça normal en ce qui me concerne. Yo, KDLR c'est le trop si incomparable, on ne joue pas en poussin. T'as poussé le bouchon trop loin, toi t'es trop stuff, t'as pris un coup de ma vie. J'ai pas besoin d'huile de coude hypocrite, j'préfère faire les choses à ma façon. Certains essayent en vain de l'effacer, pour eux c'est pas facile vu qu'ils ont peur de la faute. J'fais chercher la puff à la source, elles font bégère, t'es mégère qui gueule. Moi j'suis pépère mais déterre tu ref, j't'allume avec un flow désert qui gueule. Lâche la green à bras d'âge, tu connais l'adage. J'ai le jeu rêve de snatcher, mais s'acharne à la tâche. Sans blabla, mes gars sont sans blabla. Des apaches, des pots comme des pachas. Est-ce que tu vois la technique? Trop loin dans la voie, là t'es réo. L'industrie, j'pense pas à la queue. J'fais mon délire qui vient froisser ton ego. J'm'en bats les yeux, coups de tes rappeurs de merde. S'habille la plupart, c'est des retards. Bon kabibi, des bobas sur CD ROM sur leur pochette, posture de l'Obsa. Moi j'développe ma technique, la frappe fait du rock, ma bim bam, le tampon c'est Paul Pogba. Le temps qu'on prend nous enfonce dans le sofa, trop sauvage, si y'a Haja on ne se sauve pas. Passe le CLM à mes ex-amis, pas de face pété dans le Texano. Rien de marrant, c'est pas Texavri, chez nous y'a que du sale qui se fait récemment. Vrai nombre c'est tenir sa langue, des Z-Power le drapeau se hisse. Suffit plus d'avoir du talent, mes gars l'ont compris ma lugue. Checker mon ego, trap, trap, checker mon ego, trip, trip. Ouais, ça sort des tripes quand je laisse parler mon ego.

Comment tu fais une prod très rapidement comme ça de A à Z? Tu commences par quoi? Tu commences par, je sais pas moi, la mélodie, le kick, le truc, le sample, je sais pas, tu vois. En général, j'essaie vraiment de travailler les mélodies parce que pour moi, c'est vraiment le plus dur et ce qui donne vraiment de l'âme au morceau. Ouais. C'est vraiment les mélodies. Et ensuite, je travaille en général, tu vois, tout ce qui est percussion et tout. Après, ça m'arrive des fois de commencer par les percussions, mais ça, c'est vraiment rare. C'est plus rare en général. Hein. Okay. C'est vraiment les mélodies. Après, pour être précis, ça va être hi-hat, clap que je mets. Allez, je mets le kick aussi. Pour ouais. avoir les éléments de batterie, quoi. Ouais, voilà, okay. vraiment les éléments de batterie basiques, on va dire. Je vais pas les détailler plus que ça au début. Ensuite, je vais essayer de rajouter d'autres mélodies par-dessus ou des choses pour vraiment agrémenter tout ça. Et après, je vais commencer à rentrer dans les détails, dans tout ce qui est batterie, tout ça, 808. Ok. okay. Et là, pour celle que tu fais, là, t'as commencé par quoi? Là, j'ai commencé par la mélodie. Ok, donc là, en nous parlant en même temps, tu dégotes des mélodies dans ta tête. Ouais. Ok. plus ou moins. Enfin... Ouais, parce que pour j'essaie les auditeurs qui nous rejoignent, Wayby, pendant qu'on diffuse des sons, lui, il fait une instru. Pendant qu'on lui pose des questions, il continue son instru, le mec. Calme-toi, gros. Trop pressé. t'as déjà bossé avec qui au niveau des... Moi, je parle plus des artistes, du coup. En Est-ce que tu peux faire comme ça une petite liste Tupac, Biggie. Seulement. Tu connais. Bah déjà, je commence par Théo2S. Oui. Donc, avec le projet Hit Wave, donc... Avec Charlie. On travaille avec qui d'autre? Ah, on envoie souvent. Bah, ciao! Bah, toi, du coup. Ouais, exact. Ouais, ah, ça, c'est ça... toi! Oh non, mais j'avais complètement zappé. Ah, vous êtes des fous, les gars. Ah, je me cache. Bah, du coup, avec le MKS aussi. Yes. Je travaille avec le MKS, tout ça. Yes. Ouais, sinon, il n'y a pas vraiment d'artiste avec qui on a. Enfin, avec qui j'ai travaillé. Et... Disons okay. que ça n'a pas encore abouti. Tu veux qui? C'est en train de travailler. Hein. Tu veux qui? Franchement, moi j'aimerais bien travailler avec Napalm. Ça fait un moment qu'on essaie vraiment de travailler avec lui. Bon, après, à chaque fois c'est juste et on peut pas rentrer dans des projets et tout ça. Enfin, okay. Le contact est établi? Ouais, le contact il est établi. Hein. Bon. Ouais, depuis un moment déjà. Top. Sinon, t'inquiète. Est-ce que t'as un artiste rêvé, que, entre guillemets, tu vois? Bah, ciao. Que t'aimerais bien voir sur ta prod? Ciao. Que ce soit français, qu'un riche, je sais pas, tu vois. Franchement, j'aimerais bien voir, par exemple, Orelsan sur une de mes prods, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'étais plus ou moins fan à une époque. Et ouais, je voudrais bien voir un jour ce que ça pourrait donner. Enfin, vraiment l'alchimie entre ma prod et ses performances, tout ça. Ok. Tu l'as découvert sur quoi, toi, Orelsan? Ça devait être Perdu d'avance. Ok. Si par exemple là il y a un mec qui vient et t'aborde, il te demande une prod. Mm-hmm. Niveau bon, on va parler bif, tu vois. Niveau tarif, c'est quoi tes fourchettes pour les tarifs? Ben ouais. Est-ce que tu vends des prods? Est-ce que en général, là il y a Sam qui fait des grands signes. il brasse du à la balance. Il fait des grands signes. En réalité, ça dépend, mais en général, ça va être 50€ la prod. Après, le truc, c'est que ça dépend du nombre de prods aussi, en fait. Ça va, hein, 50€ la prod. Hein. On en avait déjà parlé. Moi, je disais que la qualité était bonne. Donc, c'était dommage de brader, entre guillemets, le prix, tu vois. C'est vrai qu'avant, on avait... Avant, c'était encore moins cher, même. Ouais, largement. C'était ça qui m'avait choqué. Largement. Donc, Théo 2S, passe à la caisse. Non, mais après, c'est... Ouais, ça reste pour des... Localement, 50 balles, je pense que ça reste abordable. Mais par rapport à ton travail et par rapport au temps que tu y mets, moi, je... Franchement, à ta place, je les vendrais... Paye, tu vois. Ouais, je vois. Mais bon, ouais, mais... après, il faut te faire un nom, déjà, etc., avant de commencer. Ok. On voit à quoi balader. Ok. tout à l'heure, tu nous parlais de Infinity Music, Resco, ouais. etc. Est-ce que ça existe toujours? Qui y a dans Infinity Music? C'est quoi Infinity Music? Bah, du coup, je vais prendre la parole. Allez, donc, Infinity Music, ouais, ça existe toujours. Yes. Donc, à la base, on produisait Zana, un rappeur Belfortin. Ok. Après, au bout d'un moment, il y a eu des divergences d'opinion, des choses. Donc, on a arrêté avec. La bagarre. Non, même pas, franchement, même pas. Et du coup, après, ben, on s'est dit, on avait quand même trois bons beatmakers, moi, deux, dont un qui allait venir. Mm-mm. Parce qu'à ce moment-là, Younes n'était pas encore à fond dedans. Et donc, avec Resco et Eric, on a commencé à faire de la production, on a fait pas mal d'instru. Il y en a notamment de Resco sur ton projet, là, ouais. Et aujourd'hui, disons qu'on est une petite structure indépendante, Belfortaine, et puis on est surtout dans la production de prod, quoi, de okay. composition. Ok. Voilà. Yes. Mais plus de rappeurs, on produit plus de rappeurs directement auprès de nous. De toute façon, on a plus le matériel, on a plus ce qu'il faut, donc. Ok. Donc YB fait partie d'Infinity Music. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, j'avais pas ce calcul là. Mes calculs n'étaient pas bons. Donc on a DJ Rick, Resco. DJ Rick, okay. Esco et YB. Voilà. Ok. Très bien. Tous Belfortins, on est d'accord ? Non, DJ Rick à la base, il vient du Togo. Il est arrivé à Belfort pour les études. Il était okay. à l'UTBM. Et donc, du coup, même maintenant, il est sur Rennes. Ok. Pour le boulot, il habite à Rennes depuis peu, du moins environ 2 ans. Et il continue à produire des gars de son côté, voilà. Ça se passe bien. J'ai pas la structure des questions, etc. Mais j'ai envie de poser une question là tout vas-y, de suite. Là, vas-y. Pour que ça sorte. Je sais pas si elle a été posée. Non, parce que vous avez commencé comme ça. Pourquoi YB ? C'est pour YB ou YB pour l'abeille ou je sais pas quoi, j'en sais rien. Pourquoi YB ? Parce que j'entends des abeilles. Non, parce que non, j'ai eu plusieurs explications. Il y a machin, Théo 2S, il me dit ouais, c'est l'abeille, je sais pas quoi. Ouais, mais une abeille, ça se dit pas comme ça en anglais. Mais why ? Disons que ça rejoint un peu les deux. Ça rejoint les deux. Ouais, c'est ça en fait. Tu te prends pour une abeille ? Non, non. Non, non, ça permet plus ou moins de se, comment dire, on va dire, de se démarquer. Surtout avec, genre, par exemple, dans ma signature vocale, il y a le petit bruit d'abeille, etc. Enfin, c'est pour donner un côté un peu cool. Je sais pas trop comment l'expliquer. Non, à la base, en fait, à la base, ça venait de Younes Beat. Ouais. C'était son blast. C'était vraiment Younes Beat. YB. Ouais, vraiment ouais, le YB. YB ouais, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait d'autres, tu vois, sur les réseaux et tout, des choses. Donc, du coup, on a dit, il faut qu'on essaye de trouver un truc qui lui corresponde, tu vois. Puis, du coup, on a pris les initiales en anglais, ouais. YB. Puis, vous après, on a eu l'idée de Bee, l'abeille, tu vois, faire un petit jeu de mots en rapport aussi avec ça. En mangeant des miel pops. Non, même pas. Et du coup, ouais, on a eu l'idée de YB par rapport à l'abeille. On a eu l'idée d'incruster ça dans sa signature vocale. Mm-hmm. On trouvait que ça faisait un délire, ça le démarquait, quoi. Puis là, on a même un logo, du coup, avec une graphiste qui est ma cousine qui est en train de préparer un logo par rapport à l'abeille, YB, toi, elle travaille un délire autour de ça en fait. Ok. Ok, très voilà. Bien. Très merci. Bien. C'est bon, t'as eu ta réponse. Ouais, c'était une impulsion. Yes. En fait, t'as avec Maya. Ok. T'as vu hein. Écoute, je vais continuer ta playlist. Du coup, je vais revenir un peu côté Belfort là. C'est Zana Sinai, les princes de la ville. Donc mm-hmm. c'était dans ta playlist. Ouais. Et puis le son de Shao Homme. Ouais. C'était pour les big up à Resco. C'était ouais, ça. C'est ça. Yes. Donc on est toujours dans la 25e, il est 22h48 déjà. 101.8 radiosud.net. On balance Zana Sinai, les princes de la ville, le clip est sur YouTube. Shao Homme dans la foulée. Yes. Radio la 25e. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah. 90. En. Zana. S-I-N-A-I. Yeah. Check. Sinai. Moi je veux être le prince de ma ville sans avoir à sucer au bic, grave du shit. T'as fait mes rimes tous les jours et faire de ma passion un CD qui pourrait me rapporter à ces deux flics. Histoire de faire rocker la mif, fier de mon rap, un putain Nesby. Le broly qui est verbal à la Nesby. Le way tu divises des papas dans la musique. À cause de l'effacer que son lyrique, c'est que des mots, j'ai qu'une métrique sur mes ennemis, normal que je mette la barre haute. Consister dans chaque chose que je fais, m'impliquer dans chaque son, chaque texte pour les faire baliser. J'arrête d'attendre mon heure de gloire, ça se trouve, elle n'existe même pas. Faut que je garde ma tête dans mes cahiers parce que le rap ça ne paiera sûrement pas. Je veux avoir une longueur d'avance sans avoir si fessé ou d'air. Et est-ce que je serai reconnu comme artiste si on m'enterre chez le par la chaise? Et je me casse tellement la tête pour sortir des bons sons que mon esprit part en couille. Si un jour je deviens le prince de ma vie, je plomberai celui qui sera sur le trône. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Gros, tu t'adresses à Seigneur, donc tu t'adresses au meilleur. Je vais te crosser comme un hockeyeur, puis te couper l'oreille. Négro, je déteste les mauvais payeurs. Pour que j'y sois, faut que t'ailles voir ailleurs. J'fous mon cigare dans la bouche de ces pétasses, histoire de leur mettre le fire. Mes négros sont forts, les terres sont fragiles, à croire qu'ils sont faits en porcelaine ou en argile. Je veux devenir le prince de la ville pour embrasser la reine et puis baiser sa fille. C'est S.I.N.A.I. invité par Soldat Zana. J'ai buté la prod du Soldat Ryan. J'te ferai visiter Copacabana si tu me fais bander comme Cache ta bâtard. Mes références sont anciennes, pour moi l'essentiel c'est d'assurer mon arrivée dans le ciel. Quant à celles qui sont attirées par le goût du sang, tout le monde sait que c'est la haine qui vous ensorcelle. Hein? Il me faut des love et fuck, rapper avec passion. Y'a pas qu'en enfer que tu peux me trouver dans le feu de l'action. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Je suis un ambitieux artiste en F sans fumer d'un peu. J'ai fait un vœu pour le futur, devenir le prince de l'Afrique. Rien ne se fait tout seul, je suis rien sans mes G, sans mon équipe. La lame a fuité, j'enchaîne les dégâts, j'enchaîne les punchlines, tu demandes tu quittes. Moi je suis qu'un petit black vénère qui veut être prince de la ville. J'irai défausser toutes les portes avec le mental d'Ali. Flow explosif, j'pète la femme sur la frappe à Tony. J'suis encore qu'un rookie qui tape dans le classique, enchaîne dans les atémis. T'attends ta prod à mes heures perdues. Artiste complet, oui ça c'est sûr. Va falloir que je me mette à chanter si je veux pas que l'état me censure. Le but c'est de rester soi-même pour atteindre ce putain de sommet. Certains ont lâché quelques billets pour devenir les stars du rap français. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Entre mon tour, restez moi-même. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Faire comme les autres est différent. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Prince de la ville, prince de la ville. Mais dis-moi comment ouais, t'es proche de la ville. Va leur dire j'arrive. À part quelques frères, beaucoup d'entre eux ont déjà quitté le navire. J'laisse personne derrière, mais j'vois trop de merveilles perdues sur la rive. Là j'plane dans les airs, fumée épaisse qui sort des narines. J'voulais croquer la vie, mais avec le temps j'en ai des caries. Ouais, malgré nos lacunes, on cherche des issues pour s'en sortir. Papa est sur la lune, la chute est trop dure à amortir. J'traîne plus dans les blocs, le quartier me colle à la peau. J'ai l'appétit d'un loup caché dans le corps d'un agneau. Les petits aiment trop la rue, je veux pas lui passer l'anneau. Qui protégera ton dos le jour où faut payer la note? Oui, j'en ai trop déçu, pardonnez-moi, je suis qu'un homme. Le jour où la lumière s'éteint, tu laisses ta place pour un autre. Les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Je vois Lucifer qui fait du pied au nôtre. J'observe les rappeurs qui font jouer un rôle. Je ne juge personne, après tout, j'suis qu'un homme. J'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme. Des millions de rêves en tête, mais j'ai qu'une parole. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens, crois-moi, je vais pas lâcher. On sera peut-être pas là demain, donc aujourd'hui, je vais tout arracher. J'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme, j'suis qu'un homme. des millions de rêves en tête. Mais j'ai qu'une parole. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Crois-moi, je vais pas lâcher. On sera peut-être pas là demain, donc aujourd'hui je vais tout arracher. Très silencieux dans ce vacarme, seul en cabine, je fais mes katas. Libéré que sous Jagda, et sur mon cœur y'a un cadenas. Accroché à mes rêves, comme si je faisais de l'escalade. Y'a qu'avec l'angle de mon stylo qu'en vérité je suis bavard. Tu jactes sur moi, c'est pas grave, je suis chaud comme le Sahara. Promis à un bel avenir, Paul Pogba, Raphaël Varane. Numéro 10 sur le terrain, tu peux demander à Rumta. 75 kills, mais des morceaux plus stock que Barracuda. Pour y arriver, qui va m'aider? Qui va m'aider? Seul dans mon vaisseau, Mayday, Mayday. Reste qu'on a la prod que de la qualité. Là c'est sur ma route qui veut m'arrêter. Les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Je vois Lucifer qui fait du pied au nôtre. J'observe les rappeurs qui font jouer un rôle. Je ne juge personne, après tout, je suis qu'un homme. Des millions de rêves en tête, mais j'ai qu'une parole. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Crois-moi, je vais pas lâcher. On sera peut-être pas là demain, donc aujourd'hui, je vais tout arracher. J'suis qu'un homme. Des millions de rêves en tête, mais j'ai qu'une parole. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Crois-moi, je vais pas lâcher. On sera peut-être pas là demain, donc aujourd'hui, je vais tout arracher. Radio la 25ème, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, on est toujours là jusqu'à minuit, les 22h56. C'est la spéciale Wayby ce soir. Beatmaker Belfortin qui est avec nous. Dis-moi, Jounes. Non, je vais en nouvelle dans la barre de chargement de l'instru. On est à combien là? Ah ouais, c'est vrai. Alors, on est où ton instru là? Ça vole pas très haut, hein, je t'avoue. Hein. Non, vas-y, un petit pourcentage sur 100. Pour moi, je dirais 30% là. Hein. 30%, t'as quoi? T'as bientôt une boucle exploitable ou quoi? Ouais, j'ai déjà une boucle, j'ai 808. T'as combien? T'as quoi? J'ai les 808, j'ai les snares, j'ai les. Explique à Jeunesse, c'est quoi un 808? 808? Ah, c'est la grosse basse, c'est le. Ah, vous! Voilà, ça. Les infrabasses. Connaissez les 408. merci pour celle-là, c'était sympa. C'est tout. Ouais, donc pour ceux qui viennent d'arriver, en fait, Wayby, pendant qu'on lui fait l'interview, qu'on diffuse les sons, il est en train de nous faire une instru. Je sais pas, il avait envie de se mettre un défi. Il est chaud. Mm-hmm. Wayby, bah du coup, on va parler de la Horror Beat Tape. Ouais. Qui est Horror? Qui est Horror? Donc la grande question de Jounes, c'était qui est Horror? Non, la The Horror Beat Tape, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce projet? Est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Disons qu'en fait, c'est vraiment un projet dans lequel en fait, j'utilise des samples, par exemple, de musique de films d'horreur, donc des BO. Yes. Et ouais, en fait, c'est Sam qui m'a un peu apporté l'idée. Il m'a dit, ouais, souvent, il me donne des défis. Donc, okay. Vraiment, je marche en défi pour essayer de vraiment évoluer. Et ouais, il m'a proposé cette idée. Et après, on est parti sur l'idée vraiment d'un projet 5 titres où okay. On utilise par exemple des films dont. Enfin, la BO de films dont lesquels. Enfin, ceux qui nous inspiraient quoi. Ok. Vraiment. T'as pas eu de problème de droit sur YouTube, tout ça? Non, tu l'as mis sur YouTube. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais après, on n'a pas mis la monétisation, les choses comme ça. Tu vois. Ouais, voilà. Mais ça, sans ça, hein, des fois. C'est libre de droit. Du coup, on n'a pas eu de soucis avec ça. Okay. Puis en plus, c'était moins de. Il faut un certain temps. Un certain temps, ouais. Donc du coup ça va, on a juste pris des petites séquences de là à pas voler les droits quoi. Ok. Pourquoi Horror? Mais c'est qui celle-là? Parce que tu dis t'as pris des films, mais pourquoi Horror Beat Tape? Justement, parce que c'est des films d'horreur et Yes. Et c'est vraiment, vraiment dans cet univers-là et en fait on a vraiment préparé ça aussi pour Halloween. Ok. Donc du coup, on avait envoyé un petit peu ça toute la journée. On a vraiment distribué les prods comme des bonbons toute la journée, 8h, okay. Midi, 16h, yes. 20h et minuit. Ok. Donc c'est sorti le 31 octobre 2019. Ouais. C'est sur quelle plateforme? T'as mis sur les plateformes ou t'as mis... J'ai mis sur Kicker les prods, ouais. Pour que ça soit plus ou moins accessible à certains rappeurs, etc. Et aussi sur YouTube. Ok. C'est la meilleure plateforme YouTube pour ce genre de projet. Yes. Il y a des rappeurs qui ont pris. Voilà, salut, ça va, vous? Ouais, moi ça va. Y a des gens qui les ont pris, qui ont kické dessus ou pas? T'as eu des retours là-dessus? Pas beaucoup, hein. On a eu un kickage là sur l'application Kicker. Ouais. Et puis, je sais qu'il y a 2-3 personnes qui préparent des choses sur les prods du projet déjà. Okay. Lourd. Pourquoi YouTube? Pourquoi t'as choisi YouTube plus qu'une autre plateforme? Est-ce qu'il y avait un vrai choix derrière ou.